kafe mbefonema Otefo ikenela Mugu meze kafe mbefonema Otefo ikenela Je ne pouvais pas imaginer Mon roi quitta son trône Accepta de mourir sur la croix Pour que j'aie la vie sauve C'est ainsi Quelle que soit ma situation En Jésus je suis plus que vainqueur Parce qu'il avait déjà remporté Ma victoire depuis Golgotha Merci de tout cœur Oh oui, tu es bon Tout en toi n'est qu'amour Mon Jésus, tu es bon Je t'ai dit merci de tout cœur Oh oui, tu es bon Tout en toi n'est qu'amour Mon Jésus Tu es bon. La pluie de l'arrière-saison, oh oui, est tombée pour amener la semence à sa maturité. En ces temps de la fin, le pouce et la parole doivent devenir un. Bientôt sera la grande récolte que la terre ne peut contenir seulement. Dans les airs, sur le nuet et la gloire, ça sera le grand retour à la maison. Merci de tout cœur, oh oui, tu es bon. Tout en toi n'est qu'amour, mon Jésus, tu es bon. Je t'ai dit merci de tout cœur, oh oui, tu es bon. Tout en toi n'est qu'amour. Mon Jésus, tu es bon. Jésus, le sujet de mes louanges, tu es le même d'âge en âge. Tu me soutiens dans mon voyage jusqu'au ciel où tu m'amènes. Faire comme toi, oh oui, mon Jésus. Merci pour la nourriture autant convenable. Merci de tout cœur, oh oui, tu es bon. Tout en toi n'est qu'amour, mon Jésus, tu es bon. Je t'ai dit merci de tout cœur, oh oui, tu es bon. Tout en toi n'est qu'amour, mon Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ma robe est déjà blanchie par le sang de l'agneau. Merci, merci pour la joie, la paix et ton amour. Tu, bon, tu mets la vie là où il y a tout en toi n'est qu'amour. Je t'ai dit merci. Je t'ai dit merci. Je t'ai dit merci de tout cœur. Oh oui, tu es bon. Pour la joie, la